Deuxième livre des rois, chapitre 13. La 23e année de Joas fils d'Achazia roi de Juda, Joachas fils de Jéhu commença à régner sur Israël à Samarie, et il régna 17 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, car il suivit les péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël, et il ne se détourna point d'aucun d'eux. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, qui les livra entre les mains d'Azaël roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad fils d'Azaël durant tout ce temps-là. Mais Joachas supplia l'Éternel, et l'Éternel l'exauça, parce qu'il vit l'oppression d'Israël, car le roi de Syrie les opprimait. L'Éternel donc donna un libérateur à Israël, et ils sortirent de dessous la puissance des Syriens, ainsi les enfants d'Israël habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Toutefois ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, par lesquels il avait fait pécher Israël, mais ils y marchèrent, et même le bocage demeura debout à Samarie. Quoique Dieu n'eût laissé d'entre le peuple à Joachas que 50 hommes de cheval, 10 chariots, et 10 000 hommes de pied, et que le roi de Syrie les eût détruits, et les eût rendus menus comme la poudre qu'on foule dans l'air. Le reste des faits de Joachas, tout ce, dis-je, qu'il a fait, et ses exploits ne sont-ils pas écrits au livre des chroniques des rois d'Israël? Ainsi Joachas s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit à Samarie, et Joas son fils régna en sa place. La 37e année de Joas roi de Juda, Joas fils de Joachas commença à régner sur Israël à Samarie, et il régna 16 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, il ne se détourna point d'aucun des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël, il y marcha. Le reste des faits de Joas, tout ce, dis-je, qu'il a fait, et la valeur avec laquelle il combattit contre Amatsia roi de Juda, tout cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Joas s'endormit avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône, et Joas fut enseveli dans Samarie avec les rois d'Israël. Or Élisée était malade d'une maladie dont il mourut, et Joas le roi d'Israël était descendu, et avait pleuré sur son visage, en disant, « mon père, chariot d'Israël, et sa cavalerie. » Et Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Il prit donc en sa main un arc et des flèches. Puis il dit au roi d'Israël, « Mets ta main sur l'arc. » Et quand il y eut mis sa main, Élisée mit ses mains sur celle du roi, et lui dit, « Ouvre la fenêtre qui regarde vers l'Orient. » Et quand il l'eut ouverte, Élisée lui dit, « Tire. » Après qu'il l'eut tiré, il lui dit, « C'est la flèche de la délivrance de par l'Éternel, la flèche, dis-je, de la délivrance contre les Syriens, tu frapperas donc les Syriens en affaît, jusqu'à les consumer. » Il lui dit encore, « Prends des flèches, et quand il les eut prises, il dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre, » et le roi frappa 3 fois, puis il s'arrêta. Et l'homme de Dieu se mit en fort grande colère contre lui, et lui dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, et tu eusses frappé les Syriens jusqu'à les consumer, mais maintenant tu ne les frapperas que 3 fois. » Et Élisée mourut, et on l'ensevelit. Or l'année suivante quelques troupes de Moabites entrèrent dans le pays. Et il arriva que comme on ensevelissait un homme, voici on vit venir une troupe de soldats, et on jeta cet homme-là dans le sépulcre d'Élisée, et cet homme étant roulé là-dedans, et ayant touché les os d'Élisée, revint en vie, et se leva sur ses pieds. Or durant tout le temps de Joachas, Azaël roi de Syrie avait opprimé les Israélites, mais l'Éternel eut compassion d'eux, et leur fit miséricorde, et se retourna vers eux pour l'amour de son alliance avec Abraham, Isaac, et Jacob, de sorte qu'il ne voulut point les exterminer, et il ne les rejeta point de devant soi, jusqu'à maintenant. Puis Azaël roi de Syrie mourut, et Ben-Hadad son fils régna en sa place. Et Joas fils de Joachas retira d'entre les mains de Ben-Hadad fils d'Azaël, les villes qu'Azaël avait prises en guerre à Joachas son père, Joas le bâtit 3 fois, et recouvra les villes d'Israël.